Chapitre 11. Nous étions par 27 degrés 5 minutes de latitude septentrionale, le 19 mars 1694-95, faisant route sud-est car sud, lorsque nous découvrîmes une voile. Nous reconnûmes bientôt que c'était un gros navire et qu'il arrivait sur nous. Mais nous ne sûmes que conclure jusqu'à ce qu'il fût un peu plus approché, et que nous eûmes vu qu'il avait perdu son grand mât de hune, son mât de misaine et son beau pré. Il tira alors un coup de canon en signal de détresse. Le temps était assez bon, un beau frais soufflait du nord-nord-ouest. Nous fûmes bientôt à portée de lui parler. Nous apprîmes que c'était un navire de Bristol, qui, chargeant à la Barbade pour son retour, avait été entraîné hors de la rade par un terrible ouragan, peu de jours avant qu'il fût prêt à mettre à la voile, pendant que le capitaine et le premier lieutenant étaient allés tous deux à terre, de sorte que, à part la terreur qu'imprime une tempête, ces gens ne s'étaient trouvés que dans un cas ordinaire où d'habiles marins auraient ramené le vaisseau. Il y avait déjà 9 semaines qu'ils étaient en mer. Et depuis l'ouragan, ils avaient essuyé une autre terrible tourmente, qui les avait tout à fait égarés et jetés à l'ouest, et qui les avait dématés, ainsi que je l'ai noté plus haut. Ils nous dirent qu'ils s'étaient attendus à voir les îles Bahamas, mais qu'ils avaient été emportés plus au sud-est par un fort coup de vent nord-nord-ouest, le même qui soufflait alors. N'ayant point de voile pour manœuvrer le navire, si ce n'est la grande voile, et une sorte de tréhou sur un mât de misaine de fortune qu'ils avaient élevé, ils ne pouvaient courir au plus près du vent, mais ils s'efforçaient de faire route pour les Canaries. Le pire de tout, c'est que pour surcroît des fatigues qu'ils avaient souffertes, ils étaient à demi-morts de faim. Leur pain et leur viande étaient entièrement consommés, il n'en restait pas une once dans le navire, pas une once depuis 11 jours. Pour tout soulagement, ils avaient encore de l'eau, environ un demi-baril de farine et pas mal de sucre. Dans l'origine, ils avaient eu quelques conserves ou confitures, mais elles avaient été dévorées. 7 barils de rhum restaient encore. Il se trouvait à bord comme passager un jeune homme, sa mère et une fille de service, qui, croyant le bâtiment prêt à faire voile, s'y étaient malheureusement embarqués la veille de l'ouragan. Leurs provisions particulières une fois consommées, leur condition était devenue plus déplorable que celle des autres, car l'équipage, réduit lui-même à la dernière extrémité, n'avait eu, la chose est croyable, aucune compassion pour les pauvres passagers. Ils étaient vraiment plongés dans une misère douloureuse à dépeindre. Je n'aurais peut-être jamais connu ce fait dans tous ses détails si, le temps étant favorable et le vent abattu, ma curiosité ne m'avait conduit à bord de ce navire. Le lieutenant en second, qui pour lors avait pris le commandement, vint à notre bord et me dit qu'ils avaient dans la grande cabine 3 passagers qui se trouvaient dans un état déplorable. « Voire même, ajouta-t-il, je pense qu'ils sont morts, car je n'en ai point entendu parler depuis plus de 2 jours. » Et j'ai craint de m'en informer, ne pouvant rien faire pour leur consolation. Nous nous appliquâmes aussitôt à donner tout soulagement possible à ce malheureux navire, et par le fait, j'influençais si bien mon neveu que j'aurais pu l'approvisionner, eussions-nous dû aller à la Virginie ou en tout autre lieu de la côte d'Amérique pour nous ravitailler nous-mêmes. Mais il n'y eut pas nécessité. Ces pauvres gens se trouvaient alors dans un nouveau danger. Ils avaient à redouter de manger trop, quel que fût même le peu de nourriture qu'on leur donna. Le second, ou commandant, avait amené avec lui 6 matelots dans sa chaloupe. Mais les infortunés semblaient des squelettes et étaient si faibles qu'ils pouvaient à peine se tenir à leur âme. Le second lui-même était fort mal et à moitié mort de faim, car il ne s'était rien réservé, déclara-t-il, de plus que ses hommes, et n'avait toujours pris que part égale de chaque pitance. Je lui recommandai de manger avec réserve, et je m'empressai de lui présenter de la nourriture. Il n'eut pas avalé 3 bouchées qu'il commença à éprouver du malaise. Aussi s'arrêta-t-il. Et notre chirurgien lui mêla avec un peu de bouillon quelque chose qu'il dit devoir lui servir à la fois d'aliment et de remède. Dès qu'il l'eut pris, il se sentit mieux. Dans cette entrefaite, je n'oubliai pas les matelots. Je leur fis donner des vivres, et les pauvres diables les dévorèrent plutôt qu'ils ne les mangèrent. Ils étaient si affamés qu'ils enrageaient en quelque sorte et ne pouvaient se contenir. 2, entre autres, mangèrent avec tant de voracité qu'ils faillirent à mourir le lendemain matin. La vue de la détresse de ces infortunés me remua profondément et rappela à mon souvenir la terrible perspective qui se déroulait devant moi à mon arrivée dans mon île, où je n'avais pas une bouchée de nourriture, pas même l'espoir de m'en procurer. Ou, pour surcroît, j'étais dans la continuelle appréhension de servir de proie à d'autres créatures. Pendant tout le temps que le second nous fit le récit de la situation misérable de l'équipage, je ne pus éloigner de mon esprit ce qu'il m'avait conté des 3 pauvres passagers de la grande cabine, c'est-à-dire la mère, son fils et la fille de service, dont il n'avait pas eu de nouvelles depuis 2 ou 3 jours, et que, il semblait l'avouer, on avait entièrement négligé, les propres souffrances de son monde étant si grandes. J'avais déduit de cela qu'on ne leur avait réellement donné aucune nourriture, par conséquent qu'ils devaient tous avoir péri et que peut-être ils étaient tous étendus morts sur le plancher de la cabine. Tandis que je gardais à bord le lieutenant, que nous appelions le capitaine, avec ses gens, afin de les restaurer, je n'oubliais pas que le reste de l'équipage se mourait de faim, et j'envoyais vers le navire ma propre chaloupe, montée par mon second et 12 hommes, pour lui porter un sac de biscuits et 4 ou 5 pièces de bœuf. Notre chirurgien enjoignit aux matelots de faire cuire cette viande en leur présence et de faire sentinelle dans la cuisine pour empêcher ces infortunés de manger la viande crue ou de l'arracher du pot avant qu'elle fût bien cuite, puis de n'en donner à chacun que peu à la fois. Par cette précaution, il sauva ses hommes, qui autrement se seraient tués avec cette même nourriture qu'on leur donne pour conserver leur vie. J'ordonnai en même temps au second d'entrer dans la grande cabine et de voir dans quel état se trouvaient les pauvres passagers, et s'ils étaient encore vivants, de les réconforter et de leur administrer les secours convenables. Le chirurgien lui donna une cruche de ce bouillon préparé que sur notre bord il avait fait prendre au lieutenant, lequel bouillon, affirmait-il, devait les remettre petit à petit. Non content de cela, et comme je l'ai dit plus haut, ayant un grand désir d'assister à la scène de misère que je savais devoir m'être offerte par le navire lui-même, d'une manière plus saisissante que tout récit possible, je pris avec moi le capitaine, comme on l'appelait alors, et je partis peu après dans sa chaloupe. Je trouvai à bord les pauvres matelots, presque en révolte pour arracher la viande de la chaudière avant qu'elle fût cuite. Mais mon second avait suivi ses ordres et fait faire bonne garde à la porte de la cuisine. Et la sentinelle qu'il avait placée là, après avoir épuisé toute persuasion possible pour leur faire prendre patience, les repoussait par la force. Néanmoins, elle ordonna de tremper dans le pot quelques biscuits pour les amollir avec le gras du bouillon. On appelle cela « brewis ». Et d'en distribuer un à chacun pour apaiser leur faim. C'était leur propre conservation qui l'obligeait, leur disait-elle, de ne leur en donner que peu à la fois. Tout cela était bel et bon. Mais si je ne fusse pas venue à bord en compagnie de leurs commandants et de leurs officiers, si je ne leur avais adressé de bonnes paroles et même quelques menaces de ne plus rien leur donner, je crois qu'ils auraient pénétré de vive force dans la cuisine et arraché la viande du fourneau, car ventre affamé n'a point d'oreille. Nous les pacifiâmes pourtant, D'abord, nous leur donnâmes à manger peu à peu et avec retenue. Puis nous leur accordâmes davantage. Enfin, nous les mîmes à discrétion et ils s'en trouvèrent assez bien. Mais la misère des pauvres passagers de la cabine était d'une autre nature et bien au-delà de tout le reste. Car, l'équipage ayant si peu pour lui-même, il n'était que trop vrai qu'il les avait d'abord tenus fort chétivement, puis à la fin qu'il les avait totalement négligés, de sorte qu'on eût pu dire qu'ils n'avaient eu réellement aucune nourriture depuis 6 ou 7 jours, et qu'ils n'en avaient eu que très peu les jours précédents. La pauvre mère, qui, à ce que le lieutenant nous rapporta, était une femme de bon sens et de bonne éducation, c'était par tendresse pour son fils imposé tant de privations qu'elle avait fini par succomber. Et quand notre second entra, elle était assise sur le plancher de la cabine, entre 2 chaises auxquelles elle se tenait fortement, son dos appuyé contre le lambris, la tête affaissée dans les épaules, et semblable à un cadavre, bien qu'elle ne fût pas tout à fait morte. Mon second lui dit tout ce qu'il put pour la ranimer et l'encourager, et avec une cuillère lui fit couler du bouillon dans la bouche. Elle ouvrit les lèvres, elle leva une main, mais elle ne put parler. Cependant, elle entendit ce qu'il lui disait, et lui fit signe qu'il était trop tard pour elle. Puis elle lui montra son enfant, comme si elle eût voulu dire « Prenez-en soin ». Néanmoins, le second, excessivement ému à ce spectacle, s'efforçait de lui introduire un peu de bouillon dans la bouche. Et, à ce qu'il prétendit, il lui en fit avaler 2 ou 3 cuillerées. Je doute qu'il en fût bien sûr. N'importe, c'était trop tard. Elle mourut la même nuit. Le jeune homme, qui avait été sauvé au prix de la vie de la plus affectionnée des mères, ne se trouvait pas tout à fait aussi affaibli. Cependant, il était étendu, roide, sur un lit, n'ayant plus qu'un souffle de vie. Il tenait dans sa bouche un morceau d'un vieux gant qu'il avait dévoré. Comme il était jeune et avait plus de vigueur que sa mère, le second réussit à lui verser quelque peu de la potion dans le gosier, et il commença sensiblement à se ranimer. Pourtant, quelque temps après, lui en ayant donné 2 ou 3 grosses cuillerées, il se trouva fort mal et les rendit. Des soins furent ensuite donnés à la pauvre servante. Près de sa maîtresse, elle était couchée tout de son long sur le plancher, comme une personne tombée en apoplexie, et elle luttait avec la mort. Ses membres étaient tordus. Une de ses mains était agrippée à un bâton de chaise et le tenait si ferme qu'on ne put aisément le lui faire lâcher. Son autre bras était passé sur sa tête et ses 2 pieds, étendus et joints, s'appuyaient avec force contre la barre de la table. Bref, elle gisait là comme un agonisant dans le travail de la mort. Cependant, elle survécut aussi. La pauvre créature n'était pas seulement épuisée par la faim et brisée par les terreurs de la mort, mais, comme nous l'apprîmes de l'équipage, elle avait le cœur déchiré pour sa maîtresse, qu'elle voyait mourante depuis 2 ou 3 jours et qu'elle aimait fort tendrement. Nous ne savions que faire de cette pauvre fille, et lorsque notre chirurgien, qui était un homme de beaucoup de savoir et d'expérience, l'eut à grand soin rappelé à la vie, il eut à lui rendre la raison. Et pendant fort longtemps, elle resta à peu près folle, comme on le verra par la suite. Quiconque lira ses mémoires voudra bien considérer que les visites en mer ne se font pas comme dans un voyage sur terre, où l'on séjourne quelquefois 1 ou 2 semaines en un même lieu. Il nous appartenait de secourir l'équipage de ce navire en détresse, mais non de demeurer avec lui. Et quoiqu'il désirât fort d'aller de conserve avec nous pendant quelques jours, il nous était pourtant impossible de convoyer un bâtiment qui n'avait point de mât. Néanmoins, quand le capitaine nous pria de l'aider à dresser un grand mât de hune et une sorte de matelot de hune à son mât de misaine de fortune, nous ne nous refusâmes pas à rester en panne 3 ou 4 jours. Alors, après lui avoir donné 5 barils de bœuf et de porc, 2 barriques de biscuits et une provision de pois, de farine et d'autres choses dont nous pouvions disposer, et avoir pris en retour 3 tonneaux de sucre, du rhum et quelques pièces de 8, nous les quittâmes en gardant à notre bord, à leur propre requête, le jeune homme et la servante avec tout leur bagage. Le jeune homme, dans sa 17e année environ, garçon aimable, bien élevé, modeste et sensible, profondément affligé de la perte de sa mère, son père étant mort à la Barbade peu de mois auparavant, avait supplié le chirurgien de vouloir bien m'engager à le retirer de ce vaisseau, dont le cruel équipage, disait-il, était l'assassin de sa mère. Et par le fait, il l'était, du moins passivement. Car pour la pauvre veuve délaissée, ils auraient pu épargner quelques petites choses qui l'auraient sauvée. N'eût été que juste de quoi l'empêcher de mourir. Mais la faim ne connaît ni amis ni famille, ni justice ni droit. C'est pourquoi elle est sans remords et sans compassion. Le chirurgien lui avait exposé que nous faisions un voyage de long cours, qui le séparerait de tous ses amis et le replongerait peut-être dans une aussi mauvaise situation que celle où nous l'avions trouvé, c'est-à-dire mourant de faim dans le monde. Et il avait répondu « Peu m'importe où j'irai, pourvu que je sois délivré du féroce équipage parmi lequel je suis. » Le capitaine, c'est de moi qu'il entendait parler, car il ne connaissait nullement mon neveu, m'a sauvé la vie. Je suis sûr qu'il ne voudra pas me faire de chagrin. Et quant à la servante, j'ai la certitude, si elle recouvre sa raison, qu'elle sera très reconnaissante, n'importe le lieu où vous nous emmeniez. » Le chirurgien m'avait rapporté tout ceci d'une façon si touchante que je n'avais pu résister, et que nous les avions pris à bord tous les deux, avec tout leur bagage, excepté 11 barriques de sucre qu'on avait pu remuer ou avindre. Mais comme le jeune homme en avait le connaissement, j'avais fait signer à son capitaine un écrit par lequel il s'obligeait, dès son arrivée à Bristol, à se rendre chez un monsieur Rogers, négociant auquel le jeune homme s'était dit allié, et à lui remettre une lettre de ma part, avec toutes les marchandises laissées à bord appartenant à la défunte veuve. Il n'en fut rien, je présume, car je n'appris jamais que ce vaisseau eût abordé à Bristol. Il se sera perdu en mer, cela est probable. Désemparé comme il était et si éloigné de toute terre, mon opinion est qu'à la première tourmente qui aura soufflé, il aura dû couler bas. Déjà il faisait haut et avait sa cale à varier quand nous le rencontrâmes. Nous étions alors par 19 degrés 32 minutes de latitude, et nous avions eu jusque-là un voyage passable comme temps, quoique les vents d'abord eussent été contraires. Je ne vous fatiguerai pas du récit des petits incidents de vent, de temps et de courant advenus durant la traversée. Mais, coupant court eu égard à ce qui va suivre, je dirai que j'arrivai à mon ancienne habitation, à mon île, le 10 avril 1695. Ce ne fut pas sans grande difficulté que je la retrouvai. Comme autrefois venant du Brésil, je l'avais abordée par le sud et sud-est, que je l'avais quitté de même, et qu'alors je cinglais entre le continent et l'île, n'ayant ni carte de la côte ni point de repère, je ne la reconnus pas quand je la vis. Je ne savais si c'était elle ou non. Nous rôdâmes longtemps et nous abordâmes à plusieurs îles dans les bouches de la grande rivière Orénoque, mais inutilement. Toutefois, j'appris en côtoyant le rivage que j'avais été jadis dans une grande erreur, c'est-à-dire que le continent que j'avais cru voir de l'île où je vivais n'était réellement point la terre ferme, mais une île fort longue, ou plutôt une chaîne d'îles s'étendant d'un côté à l'autre des vastes bouches de la grande rivière, et que les sauvages qui venaient dans mon île n'étaient pas proprement ce qu'on appelle Caribes, mais des insulaires et autres barbares de la même espèce qui habitaient un peu plus près de moi. Bref. Je visitais sans résultat, quantité de ces îles. J'en trouvai quelques-unes peuplées et quelques-unes désertes. Dans une, entre autres, je rencontrai des Espagnols et je crus qu'ils y résidaient. Mais leur ayant parlé, j'appris qu'ils avaient un sloop mouillé dans une petite crique près de là, qu'ils venaient en ce lieu pour faire du sel et pêcher, s'il était possible, quelques huîtres à perles. Enfin, qu'ils appartenaient à l'île de la Trinité, située plus au nord, par les 10 et 11 degrés de latitude. Côtoyant ainsi d'une île à l'autre, tantôt avec le navire, tantôt avec la chaloupe des Français, nous l'avions trouvée à notre convenance et l'avions gardée sous leur bon plaisir. J'atteignis enfin le côté sud de mon île, et je reconnus les lieux de prime abord. Je fis donc mettre le navire à l'ancre, en face de la petite crique où gisait mon ancienne habitation. Sitôt que je vins en vue de l'île, j'appelai Vendredi, et je lui demandai s'il savait où il était. Il promena ses regards quelque temps, puis tout à coup il battit des mains et s'écria « Oh oui ! Oh voilà ! Oh oui ! Oh voilà !» Et montrant du doigt notre ancienne habitation, il se prit à danser et à cabrioler comme un fou, et j'eus beaucoup de peine à l'empêcher de sauter à la mer pour gagner la rive à la nage. « Eh bien, Vendredi, lui demandai-je, penses-tu que nous trouvions quelqu'un ici? Penses-tu que nous revoyions ton père ?» Il demeura quelque temps muet comme une souche. Mais quand je nommai son père, le pauvre et affectionné garçon parut affligé, et je vis des larmes couler en abondance sur sa face. « Qu'est-ce, Vendredi ? Lui dis-je. Te fâcherait-il de revoir ton père ?»« Non, non, répondit-il en secouant la tête. Non, voir lui plus, non, jamais plus voir encore. « Pourquoi donc, Vendredi ? Repris-je. Comment sais-tu cela ? Oh non, oh non ! S'écria-t-il. Lui mort il y a longtemps, lui, beaucoup vieux homme. Bah, bah, Vendredi, tu n'en sais rien, mais allons-nous trouver quelqu'un autre ? Le compagnon avait, à ce qu'il paraît, de meilleurs yeux que moi. Il les jeta juste sur la colline au-dessus de mon ancienne maison, et quoique nous en fussions à une demi-lieue, il se mit à crier. « Moi, voir ! Moi voir, oui, oui, moi voir beaucoup homme là, et là, et là. » Je regardais, mais je ne pus voir personne, pas même avec ma lunette d'approche, probablement parce que je la braquais mal, car mon serviteur avait raison, comme je l'appris le lendemain. Il y avait là 5 ou 6 hommes arrêtés à regarder le navire et ne sachant que penser de nous. Aussitôt que Vendredi m'eut dit qu'il voyait du monde, je fis déployer le pavillon anglais et tirer 3 coups de canon pour donner à entendre que nous étions amis. Et un demi-quart d'heure après, nous aperçûmes une fumée s'élever du côté de la crique. J'ordonnai immédiatement de mettre la chaloupe à la mer et, prenant Vendredi avec moi, j'arborai le pavillon blanc ou parlementaire et je me rendis directement à terre, accompagné du jeune religieux dont il a été question. Je lui avais conté l'histoire de mon existence en cette île, le genre de vie que j'y avais menée, toutes les particularités ayant trait et à moi-même et à ceux que j'y avais laissés. Et ce récit l'avait rendu extrêmement désireux de me suivre. J'avais en outre avec moi environ 16 hommes très bien armés pour le cas où nous aurions trouvé quelques nouveaux hôtes qui ne nous eussent pas connus. Mais nous n'eûmes pas besoin d'armes. Comme nous allions à terre durant le flot, presque à marée haute, nous voguâmes droit dans la crique. Et le premier homme sur lequel je fixai mes yeux fut l'Espagnol dont j'avais sauvé la vie et que je reconnus parfaitement bien à sa figure. Quant à son costume, je le décrirai plus tard. J'ordonnai d'abord que, excepté moi, personne ne mit pied à terre. Mais il n'y eut pas moyen de retenir Vendredi dans la chaloupe, car ce fils affectionné avait découvert son père par-delà les Espagnols, à une grande distance où je ne le distinguais aucunement. Si on ne l'eût pas laissé descendre au rivage, il aurait sauté à la mer. Il ne fut pas plus tôt débarqué qu'il vola vers son père comme une flèche décochée d'un arc. Malgré la plus ferme résolution, il n'est pas un homme qui eût pu se défendre de verser des larmes en voyant les transports de joie de ce pauvre garçon quand il rejoignit son père. Comment il l'embrassa, le baisa, lui caressa la face, le prit dans ses bras, l'assit sur un arbre abattu et s'étendit près de lui. Puis se dressa et le regarda pendant un quart d'heure, comme on regarderait une peinture étrange. Puis se coucha par terre, lui caressa et lui baisa les jambes. Puis enfin se releva et le regarda fixement. On eût dit une fascination. Mais le jour suivant, un chien même aurait ri de voir les nouvelles manifestations de son affection. Dans la matinée, durant plusieurs heures, il se promena avec son père, çà et là, le long du rivage, le tenant toujours par la main, comme s'il eût été une lady. Et de temps en temps, venant lui chercher dans la chaloupe, soit un morceau de sucre, soit un verre de liqueur, un biscuit ou quelque autre bonne chose. Dans l'après-midi, ses folies se transformèrent encore. Alors, il asseyait le vieillard, par terre, se mettait à danser autour de lui, faisait mille postures, mille gesticulations bouffonnes, et lui parlait et lui contait en même temps pour le divertir une histoire ou une autre de ses voyages et ce qui lui était advenu dans les contrées lointaines. Bref, si la même affection filiale pour leurs parents se trouvait chez les chrétiens, dans notre partie du monde, on serait tenté de dire que c'eût été chose à peu près inutile que le cinquième commandement. Mais ceci est une digression. Je retourne à mon débarquement. S'il me fallait relater toutes les cérémonies et toutes les civilités avec lesquelles les Espagnols me reçurent, je n'en aurais jamais fini. Le premier Espagnol qui s'avança, et que je reconnus très bien, comme je l'ai dit, était celui dont j'avais sauvé la vie. Accompagné d'un des siens, portant un drapeau parlementaire, il s'approcha de la chaloupe. Non seulement il ne me remit pas d'abord, mais il n'eut pas même la pensée, l'idée que ce fût moi qui revenais, jusqu'à ce que je lui eusse parlé. « Seigneur, lui dis-je en portugais, ne me reconnaissez-vous pas ?» Il ne répondit pas un mot, mais donnant son mousquet à l'homme qui était avec lui, il ouvrit les bras et, disant quelque chose en espagnol que je n'entendis qu'imparfaitement, il s'avança pour m'embrasser. Puis il ajouta qu'il était inexcusable de n'avoir pas reconnu cette figure qui lui avait une fois apparu comme celle d'un ange envoyé du ciel pour lui sauver la vie. Et une foule d'autres jolies choses, comme en a toujours à son service un espagnol bien élevé. Ensuite, faisant signe de la main à la personne qui l'accompagnait, il la pria d'aller rappeler ses camarades. Alors il me demanda si je voulais me rendre à mon ancienne habitation, où il me remettrait en possession de ma propre demeure, et où je verrais qu'il ne s'y était fait que de chétives améliorations. Je le suivis donc. Mais, hélas, il me fut aussi impossible de retrouver les lieux que si je n'y fusse jamais allé. Car on avait planté tant d'arbres, on les avait placés de telle manière, si épais et si près l'un de l'autre, et en 10 ans de temps ils étaient devenus si gros, qu'en un mot, la place était inaccessible, excepté par certains détours et chemins dérobés que seulement ceux qui les avaient pratiqués pouvaient reconnaître. Je lui demandai à quoi bon toutes ces fortifications. Il me répondit que j'en comprendrais assez la nécessité quand il m'aurait conté comment ils avaient été leur temps depuis leur arrivée dans l'île, après qu'ils eurent eu le malheur de me trouver parti. Il me dit qu'il n'avait pu que participer de cœur à ma bonne fortune lorsqu'il avait appris que je m'en étais allé sur un bon navire, et tout à ma satisfaction, que maintes fois il avait été pris de la ferme persuasion qu'un jour ou l'autre il me reverrait. Mais que jamais il ne lui était rien arrivé dans sa vie de plus consternant et de plus affligeant d'abord que le désappointement où il tomba quand à son retour dans l'île il ne me trouva plus. Quant aux trois barbares, comme il les appelait, que nous avions laissés derrière nous et sur lesquels il avait une longue histoire à me conter, s'ils n'eussent été en si petit nombre, les Espagnols se seraient tous crus beaucoup mieux parmi les sauvages. Il y a longtemps que s'ils avaient été assez forts, nous serions tous en purgatoire, me dit-il en se signant sur la poitrine. Mais, sire, j'espère que vous ne vous fâcherez point quand je vous déclarerai que, forcés par la nécessité, nous avons été obligés, pour notre propre conservation, de désarmer et de faire nos sujets ces hommes, qui, ne se contentant point d'être avec modération nos maîtres, voulaient se faire nos meurtriers. Je lui répondis que j'avais profondément redouté cela en laissant ces hommes en ces lieux, et que rien ne m'avait plus affecté à mon départ de l'île que de ne pas les voir de retour, pour les mettre d'abord en possession de toutes choses, et laisser les autres dans un état de sujétion selon qu'ils le méritaient. Mais que, puisqu'il les y avait réduits, j'en étais charmé, bien loin d'y trouver aucun mal, car je savais que c'était d'intraitables et d'ingouvernables coquins, propres à toute espèce de crime. Comme j'achevais ces paroles, l'homme qui l'avait envoyé revint, suivi de 11 autres. Dans le costume où ils étaient, il était impossible de deviner à quelle nation ils appartenaient. Mais il posa clairement la question pour eux et pour moi. D'abord, il se tourna vers moi et me dit en les montrant « Sire, ce sont quelques-uns des gentlemen qui vous sont redevables de la vie. » Puis, se tournant vers eux et me désignant du doigt, il leur fit connaître qui j'étais. Là-dessus, ils s'approchèrent tous un à un, non pas comme s'ils eussent été des marins et du petit monde et moi leur pareil, mais réellement comme s'ils eussent été des ambassadeurs ou de nobles hommes, et moi, un monarque ou un grand conquérant. Leur conduite fut au plus haut degré obligeante et courtoise. Et cependant, mêlée d'une mâle et majestueuse gravité qui leur seyait très bien. Bref, ils avaient tellement plus d'entre gens que moi qu'à peine savais-je comment recevoir leur civilité, beaucoup moins encore comment leur rendre la réciproque. L'histoire de leur venue et de leur conduite dans l'île après mon départ est si remarquable, elle est traversée de tant d'incidents, que la première partie de ma relation aidera à comprendre. Elle a tant de liaisons dans la plupart de ses détails avec le récit que j'ai déjà donné, que je ne saurais me défendre de l'offrir avec grand plaisir à la lecture de ceux qui viendront après moi. Je n'embrouillerai pas plus longtemps le fil de cette histoire par une narration à la première personne, ce qui me mettrait en dépense de 10 000, dis-je, dit-il, et il me dit, et je lui dis, et autre chose semblable. Mais je rassemblerai les faits historiquement, aussi exactement que me les représentera ma mémoire, suivant qu'ils me les ont contés et que je les ai recueillis dans mes entretiens avec eux sur le théâtre même. Pour faire cela succinctement et aussi intelligiblement que possible, il me faut retourner aux circonstances dans lesquelles j'abandonnais l'île et dans lesquelles se trouvaient les personnes dont j'ai à parler. D'abord, il est nécessaire de répéter que j'avais envoyé le père de Vendredi et l'Espagnol, tous les deux sauvés grâce à moi, des sauvages, que je les avais envoyés, dis-je, dans une grande pirogue à la terre ferme, comme je le croyais alors, pour chercher les compagnons de l'Espagnol, afin de les tirer du malheur où ils étaient, afin de les secourir pour le présent, et d'inventer ensemble par la suite, si faire se pouvait, quelques moyens de délivrance. Quand je les envoyais, ma délivrance n'avait aucune probabilité. Rien ne me donnait lieu de l'espérer. Pas plus que 20 ans auparavant. Bien moins encore avais-je quelque préscience de ce qui, après, arriva. J'entends qu'un navire anglais aborderait là pour les emmener. Aussi, quand ils revinrent, quelle dut être leur surprise, non seulement de me trouver parti, mais de trouver 3 étrangers abandonnés sur cette terre, en possession de tout ce que j'avais laissé derrière moi, et qui autrement leur serait échu. La première chose dont toutefois je manquis, pour reprendre où j'en suis restée, fût ce qui leur était personnel, et je priai l'Espagnol de me faire un récit particulier de son voyage dans la pirogue à la recherche de ses compatriotes. Il me dit que cette portion de leurs aventures offrait peu de variété, car rien de remarquable ne leur était advenu en route. Ils avaient eu un temps fort calme et une mer douce. Quant à ses compatriotes, ils furent, à n'en pas douter, ravis de le revoir. À ce qu'il paraît, il était le principal d'entre eux, le capitaine du navire sur lequel ils avaient naufragé étant mort depuis quelque temps. Ils furent d'autant plus surpris de le voir qu'ils le savaient tombé entre les mains des sauvages et le supposaient dévoré comme tous les autres prisonniers. Quand il leur conta l'histoire de sa délivrance et qu'il était à même de les emmener, ce fut comme un songe pour eux. Leur étonnement, selon leur propre expression, fut semblable à celui des frères de Joseph lorsqu'il se découvrit à eux et leur raconta l'histoire de son exaltation à la cour de Pharaon. Mais quand il leur montra les armes, la poudre, les balles et les provisions qu'il avait apportées pour leur traversée, ils se remirent, ne se livrèrent qu'avec réserve à la joie de leur délivrance et immédiatement se préparèrent à le suivre. Leur première affaire fut de se procurer des canots, et en ceci ils se virent obligés de faire violence à leur honneur, de tromper leurs amis les sauvages, et de leur emprunter deux grands canots ou pirogues, sous prétexte d'aller à la pêche ou en partie de plaisir. Dans ces embarcations, ils partirent le matin suivant. Il est clair qu'il ne leur fallut pas beaucoup de temps pour leurs préparatifs, n'ayant ni bagages, ni hardes, ni provisions, rien au monde que ce qu'ils avaient sur eux et quelques racines qui leur servaient à faire leur pain. Mes deux messagers furent en tout 3 semaines absents, et dans cet intervalle, malheureusement pour eux, comme je l'ai rapporté dans la première partie, je trouvai l'occasion de me tirer de mon île, laissant derrière moi 3 bandits, les plus impudents, les plus endurcis, les plus ingouvernables, les plus turbulents qu'on eût su rencontrer, au grand chagrin et au grand désappointement des pauvres Espagnols, ayez-en l'assurance. La seule chose juste que firent ces coquins, ce fut de donner ma lettre aux Espagnols quand ils arrivèrent, et de leur offrir des provisions et des secours, comme je le leur avais recommandé. Ils leur remirent aussi de longues instructions écrites que je leur avais laissées, et qui contenaient les méthodes particulières dont j'avais fait usage dans le gouvernement de ma vie en ces lieux. La manière de faire cuire mon pain, d'élever mes chèvres, apprivoiser et de semer mon blé. Comment je séchais mes raisins, je faisais mes pois, et en un mot, tout ce que je fabriquais. Tout cela, couché par écrit, fut remis par les 3 vauriens aux Espagnols, dont 2 comprenaient assez bien l'anglais. Ils ne refusèrent pas, qui plus est, de s'accommoder avec eux pour toute autre chose, car ils s'accordèrent très bien pendant quelque temps. Ils partagèrent également avec eux la maison ou la grotte, et commencèrent par vivre fort sociablement. Le principal Espagnol, qui m'avait assisté dans beaucoup de mes opérations, administrait toutes les affaires avec l'aide du père de Vendredi. Quant aux Anglais, ils ne faisaient que rôder ça et là dans l'île, tuer des perroquets, attraper des tortues. Et quand le soir ils revenaient à la maison, les Espagnols pourvoyaient à leur souper. Les Espagnols s'en seraient arrangés si les autres les avaient seulement laissés en repos. Mais leur cœur ne pouvait leur permettre de le faire longtemps. Et, comme le chien dans la crèche, ils ne voulaient ni manger ni souffrir que les autres mangeassent. Leurs différends toutefois furent d'abord peu de choses et ne valent pas la peine d'être rapportés. Mais à la fin, une guerre ouverte éclata et commença avec toute la grossièreté et l'insolence qui se puisse imaginer, sans raison, sans provocation, contrairement à la nature et au sens commun. Et, bien que le premier rapport m'en eût été fait par les Espagnols eux-mêmes, que je pourrais qualifier d'accusateurs, quand je vins à questionner les Vauriens, ils ne purent en démentir un mot. Mais avant d'entrer dans les détails de cette seconde partie, il faut que je répare une omission faite dans la première. J'ai oublié d'y consigner qu'à l'instant de lever l'ancre pour mettre à la voile, il s'engagea à bord de notre navire une petite querelle qui un instant fit craindre une seconde révolte. Elle ne s'apaisa que lorsque le capitaine, s'armant de courage et réclamant notre assistance, eut séparé de vive force et fait prisonnier deux des plus séditieux, et les eut fait mettre au fer. Comme ils s'étaient mêlés activement au premier désordre, et qu'en dernier lieu ils avaient laissé échapper quelques propos grossiers et dangereux, il les menaça de les transporter ainsi en Angleterre pour y être pendus comme rebelles et comme pirates. Cette menace, quoique probablement le capitaine n'eût pas l'intention de l'exécuter, effraya les autres matelots. Et quelques-uns d'entre eux mirent dans la tête de leurs camarades que le capitaine ne leur donnait pour le présent de bonnes paroles qu'afin de pouvoir gagner quelque port anglais, où ils seraient tous jetés en prison et mis en jugement. Le second eut vent de cela et nous en donna connaissance, sur quoi il fut arrêté que moi, qui passais toujours à leurs yeux pour un personnage important, j'irais avec le second les rassurer et leur dire qu'ils pouvaient être certains, s'ils se conduisaient bien durant le reste du voyage, que tout ce qu'ils avaient fait précédemment serait oublié. J'y allai donc. Ils parurent contents après que je leur eus donné ma parole d'honneur, et plus encore quand j'ordonnai que les deux hommes qui étaient au fer fussent relâchés et pardonnés. Cette mutinerie nous obligea à jeter l'ancre pour cette nuit, attendu d'ailleurs que le vent était tombé. Le lendemain matin, nous nous aperçûmes que nos deux hommes qui avaient été mis au fer s'étaient saisis chacun d'un mousquet et de quelques autres armes. Nous ignorions combien ils avaient de poudre et de plomb. Avaient pris la pinasse du bâtiment, qui n'avait pas encore été allée à bord, et étaient allés rejoindre à terre leurs compagnons de scélératesse. Aussitôt que j'en fus instruit, je fis monter dans la grande chaloupe 12 hommes et le second, et les envoyai à la poursuite de ces coquins. Mais ils ne purent les trouver non plus qu'aucun des autres, car dès qu'ils avaient vu la chaloupe s'approcher du rivage, ils s'étaient tous enfuis dans les bois. Le second fut d'abord tenté, pour faire justice de leur coquinerie, de détruire leurs plantations, de brûler leurs ustensiles et leurs meubles, et de les laisser se tirer d'affaire comme ils pourraient. Mais n'ayant pas d'ordre, il laissa toutes choses comme il les trouva, et, ramenant la pinasse, il revint à bord sans eux. Ces deux hommes, joints aux autres, en élevaient le nombre à 5. Mais les trois coquins l'emportaient tellement en scélératesse sur ceux-ci, qu'après qu'ils eurent passé ensemble 2 ou 3 jours, ils mirent à la porte les deux nouveaux venus, les abandonnant à eux-mêmes et ne voulant rien avoir de commun avec eux. Ils refusèrent même longtemps de leur donner de la nourriture. Quant aux Espagnols, ils n'étaient point encore arrivés. Dès que ceux-ci furent venus, les affaires commencèrent à marcher. Ils tâchèrent d'engager les 3 scélérats d'anglais à reprendre parmi eux leurs 2 compatriotes, afin, disaient-ils, de ne faire qu'une seule famille. Mais ils ne voulurent rien entendre, en sorte que les 2 pauvres diables vécurent à part. Et voyant qu'il n'y avait que le travail et l'application qui pût les faire vivre confortablement, ils s'installèrent sur le rivage nord de l'île, mais un peu plus à l'ouest, pour être à l'abri des sauvages, qui débarquaient toujours dans la partie orientale. Là, ils bâtirent 2 huttes, l'une pour se loger et l'autre pour servir de magasin. Les Espagnols leur ayant remis quelque peu de blé pour semer et une partie des pois que je leur avais laissés, ils bêchèrent, plantèrent, firent des clôtures, d'après l'exemple que je leur avais donné à tous, et commencèrent à se tirer assez bien d'affaires. Leur première récolte de blé était venue à bien, et quoiqu'ils n'eussent d'abord cultivé qu'un petit espace de terrain, vu le peu de temps qu'ils avaient eu, néanmoins, c'en fut assez pour les soulager et les fournir de pain et d'autres aliments. L'un d'eux, qui avait rempli à bord les fonctions d'aide de cuisine, s'entendait fort bien à faire des soupes, des puddings et quelques autres mets que le riz, le lait et le peu de viande qu'ils avaient permettaient d'apprêter. C'est ainsi que leur position commençait à s'améliorer, quand les trois dénaturés coquins, leurs compatriotes, se mirent en tête de venir les insulter et leur chercher noise. Ils leur dirent que l'île était à eux, que le gouverneur, c'était moi qu'ils désignaient ainsi, leur en avait donné la possession, que personne que n'y avait droit, et que, de par tous les diables, il ne leur permettait point de faire des constructions sur leur terrain, à moins d'en payer le loyer. Les deux hommes crurent d'abord qu'ils voulaient rire. Ils les prièrent de venir s'asseoir auprès d'eux, d'examiner les magnifiques maisons qu'ils avaient construites et d'en fixer eux-mêmes le loyer. L'un d'eux ajouta en plaisantant que s'ils étaient effectivement les propriétaires du sol, il espérait que, bâtissant sur ce terrain et y faisant des améliorations, on devait, selon la coutume de tous les propriétaires, leur accorder un long bail. Et il les engagea à amener un notaire pour rédiger l'acte. Un des trois scélérats se mit à jurer et, entrant en fureur, leur dit qu'il allait leur faire voir qu'il ne riait pas. En même temps, il s'approche de l'endroit où ces honnêtes gens avaient allumé du feu pour cuire leurs aliments, prend un tison, l'applique sur la partie extérieure de leur hutte et y met le feu. Elle aurait brûlé tout entière en quelques minutes si l'un des deux, courant à ce coquin, ne l'eût chassé et n'eût éteint le feu avec ses pieds, sans de grandes difficultés. Le vaurien, furieux d'être ainsi repoussé par cet honnête homme, s'avança sur lui avec un gros bâton qu'il tenait à la main. Et si l'autre n'eût évité adroitement le coup et ne se fût enfui dans la hutte, c'en était fait de sa vie. Son camarade, voyant le danger où ils étaient tous deux, courut le rejoindre, et bientôt ils ressortirent ensemble avec leurs mousquets. Celui qui avait été frappé étendit à terre d'un coup de crosse le coquin qui avait commencé la querelle avant que les deux autres pussent arriver à son aide. Puis, les voyant venir à eux, ils leur présentèrent le canon de leurs mousquets et leur ordonnèrent de se tenir à distance. Les drôles avaient aussi des armes à feu. Mais l'un des honnêtes gens, plus décidé que son camarade et enhardi par le danger qu'il courait, leur dit que s'ils remuaient pied ou main, ils étaient tous morts, et leur commanda résolument de mettre bas les armes. Ils ne mirent pas bas les armes, il est vrai. Mais les voyant déterminés, ils parlementèrent et consentirent à s'éloigner en emportant leurs camarades que le coup de crosse qu'il avait reçu paraissait avoir grièvement blessé. Toutefois, les deux honnêtes Anglais eurent grand tort. Ils auraient dû profiter de leurs avantages pour désarmer entièrement leurs adversaires comme ils le pouvaient, aller immédiatement trouver les Espagnols et leur raconter comment ces scélérats les avaient traités. Car ces trois misérables ne s'occupèrent plus que des moyens de se venger et chaque jour en fournissaient quelques nouvelles preuves. Mais je ne crois pas devoir changer cette partie de mon histoire du récit des manifestations les moins importantes de leur coquinerie, telles que fouler aux pieds leur blé, tuer à coups de fusil trois jeunes chevreaux et une chèvre que les pauvres gens avaient apprivoisée pour en avoir des petits. En un mot, ils les tourmentèrent tellement nuit et jour que les deux infortunés, poussés à bout, résolurent de leur livrer bataille à tous trois à la première occasion. À cet effet, ils se décidèrent à aller au château. C'est ainsi qu'ils appelaient ma vieille habitation, où vivaient à cette époque les trois coquins et les Espagnols. Là, leur intention était de livrer un combat dans les règles, en prenant les Espagnols pour témoins. Ils se levèrent donc le lendemain matin avant l'aube, vinrent au château et appelèrent les Anglais par leur nom, disant à l'Espagnol, qui leur demanda ce qu'ils voulaient, qu'ils avaient à parler à leurs compatriotes. Il était arrivé que la veille, deux des Espagnols, s'étant rendus dans les bois, avaient rencontré l'un des deux Anglais, que, pour les distinguer, j'appelle honnêtes gens. Ils s'étaient plaints amèrement aux Espagnols des traitements barbares qu'ils avaient eu à souffrir de leurs trois compatriotes, qui avaient détruit leurs plantations, dévasté leurs récoltes, qu'ils avaient eu tant de peine à faire venir, tuer la chèvre et les trois chevreaux qui formaient toute leur subsistance. Il avait ajouté que si lui et ses amis, à savoir les Espagnols, ne venaient de nouveau à leur aide, il ne leur resterait d'autre perspective que de mourir de faim. Quand les Espagnols revinrent le soir au logis et que tout le monde fut à souper, un d'entre eux prit la liberté de blâmer les trois Anglais, bien qu'avec douceur et politesse, et leur demanda comment ils pouvaient être aussi cruels envers des gens qui ne faisaient de mal à personne, qui tâchaient de subsister par leur travail et qui avaient dû se donner bien des peines pour amener les choses à l'état de perfection où elles étaient arrivées. L'un des Anglais repartit brusquement. « Qu'avaient-ils à faire ici ?» ajoutant qu'ils étaient venus à terre sans permission et que, quant à eux, ils ne souffriraient pas qu'ils fissent de culture ou de construction dans l'île, que le sol ne leur appartenait pas. « Mais, dit l'Espagnol avec beaucoup de calme, « Seigneur Inglés, ils ne doivent pas mourir de faim. » L'Anglais répondit, comme un mal appris qu'il était, qu'il pouvait crever de faim et aller au diable, mais qu'il ne planterait ni ne bâtirait dans ce lieu. « Que faut-il donc qu'il fasse, Seigneur ? » dit l'Espagnol. Un autre de ses rustres répondit, « Godam, qu'il nous serve et travaille pour nous !»« Mais comment pouvez-vous attendre cela d'eux ? Vous ne les avez pas achetés de vos deniers, vous n'avez pas le droit d'en faire vos esclaves. » Les Anglais répondirent que l'île était à eux, que le gouverneur la leur avait donnée et que nul autre n'y avait droit. Ils jurèrent leur grand Dieu qu'ils iraient mettre le feu à leur nouvelle hutte et qu'ils ne souffriraient pas qu'ils bâtissent sur leur territoire. « Mais, Seigneur, dit l'Espagnol, d'après ce raisonnement, nous aussi, nous devons être vos esclaves. »« Oui, dit l'audacieux Coca, et vous le serez aussi. » Et nous n'en aurons pas encore fini ensemble. » Entremêlant à ces paroles deux ou trois godames placés aux endroits convenables. L'Espagnol se contenta de sourire et ne répondit rien. Toutefois, cette conversation avait échauffé la bile des Anglais. Et l'un d'eux, c'était, je crois, celui qu'ils appelaient Will Atkins, se leva brusquement et dit à l'un de ses camarades, « Viens, Jack. Allons-nous brosser avec eux. Je te réponds que nous démolirons leur château. Ils n'établiront pas de colonie dans nos domaines. » Ce disant, ils sortirent ensemble, armés chacun d'un fusil, d'un pistolet et d'un sabre, marmottant entre eux quelques propos insolents sur le traitement qu'ils infligeraient aux Espagnols quand l'occasion s'en présenterait. Mais il paraît que ceux-ci n'entendirent pas parfaitement ce qu'ils disaient. Seulement ils comprirent qu'on leur faisait des menaces parce qu'ils avaient pris le parti des deux Anglais. Où allèrent-ils et comment passèrent-ils leur temps ce soir-là? Les Espagnols me dirent n'en rien savoir. Mais il paraît qu'ils errèrent ça et là dans le pays une partie de la nuit, puis que, s'étant couchés dans l'endroit que j'appelais ma tonnelle, ils se sentirent fatigués et s'endormirent. Au fait, voilà ce qu'il en était. Ils avaient résolu d'attendre jusqu'à minuit, et alors de surprendre les pauvres diables dans leur sommeil. Et comme plus tard ils l'avouèrent, ils avaient le projet de mettre le feu à la hutte des deux Anglais pendant qu'ils y étaient, de les faire périr dans les flammes ou de les assassiner au moment où ils sortiraient. Comme la malignité dort rarement d'un profond sommeil, il est étrange que ces gens-là ne soient pas restés éveillés. Toutefois, comme les deux honnêtes gens avaient aussi sur eux des vues, plus honorables, il est vrai, que l'incendie et l'assassinat, il advint, et fort heureusement pour tous, qu'ils étaient debout et sortis avant que les sanguinaires coquins arrivassent à leur hutte. Quand ils y furent et virent que leurs adversaires étaient partis, Atkins, qui à ce qu'il paraît marchait en avant, cria à ses camarades « Hola, Jack, voilà bien le nid. Mais qu'il soit damné, les oiseaux sont envolés. » Ils réfléchirent un moment à ce qui avait pu les faire sortir de si bonne heure, et l'idée leur vint que c'étaient les Espagnols qui les avaient prévenus. Là-dessus, ils se serrèrent la main et se jurèrent mutuellement de se venger des Espagnols. Aussitôt qu'ils eurent fait ce pacte de sang, ils se mirent à l'œuvre sur l'habitation des pauvres gens. Ils ne brûlèrent rien, mais ils jetèrent bas les deux huttes et en dispersèrent les débris, de manière à ne rien laisser debout et à rendre en quelque sorte méconnaissable l'emplacement qu'elles avaient occupé. Ils mirent en pièces tout leur petit mobilier et l'éparpillèrent de telle façon que les pauvres gens retrouvèrent plus tard, à 1 mille de distance de leur habitation, quelques-uns des objets qui leur avaient appartenu. Cela fait, ils arrachèrent tous les jeunes arbres que ces pauvres gens avaient plantés, ainsi que les clôtures qu'ils avaient établies pour mettre en sûreté leurs bestiaux et leurs grains. En un mot, ils saccagèrent et pillèrent toutes choses aussi complètement qu'aurait pu le faire une horde de Tartares. Pendant ce temps, les deux hommes étaient allés à leur recherche, décidés à les combattre partout où ils les trouveraient, bien que n'étant que 2 contre 3. En sorte que s'ils se fussent rencontrés, il y aurait eu certainement du sang répandu. Car il faut leur rendre cette justice, ils étaient tous des gaillards solides et résolus. Mais la Providence mit plus de soin à les séparer qu'ils n'en mirent eux-mêmes à se joindre. Comme s'ils s'étaient donné la chasse, les 3 vauriens étaient à peine partis que les 2 honnêtes gens arrivèrent. Puis, quand ces 2-ci retournèrent sur leurs pas pour aller à leur rencontre, les 3 autres étaient revenus à la vieille habitation. Nous allons voir la différence de leur conduite. Quand les 3 drôles furent de retour, encore furieux et chauffés par l'œuvre de destruction qu'ils venaient d'accomplir, ils abordèrent les Espagnols par manière de bravade et comme pour les narguer. Et ils leur dirent ce qu'ils avaient fait. L'un d'entre eux même, s'approchant de l'un des Espagnols, comme un polisson qui jouerait avec un autre, lui ôta son chapeau de dessus la tête, et, le faisant pirouetter, lui dit en lui riant au nez « Et vous aussi, seigneur Jack Espagnol, nous vous mettrons à la même sauce si vous ne réformez pas vos manières. » L'Espagnol, qui, quoique doux et pacifique, était aussi brave qu'un homme peut désirer de l'être, et d'ailleurs fortement constitué, le regarda fixement pendant quelques minutes, puis, n'ayant à la main aucune arme, il s'approcha gravement de lui et un coup du poing l'étendit par terre comme un boucher abat un bœuf. Sur quoi l'un des bandits, aussi scélérat que le premier, fit feu de son pistolet sur l'Espagnol. Il le manqua, il est vrai, car les balles passèrent dans ses cheveux. Mais il y en eut une qui lui toucha le bout de l'oreille et le fit beaucoup saigner. La vue de son sang fit croire à l'Espagnol qu'il avait plus de mal qu'il n'en avait effectivement. Et il commença à s'échauffer, car jusque-là, il avait agi avec le plus grand sang-froid. Mais déterminé d'en finir, il se baissa et, ramassant le mousquet de celui qu'il avait étendu par terre, il alla coucher en joue l'homme qui avait fait feu sur lui. Quand le reste des Espagnols qui se trouvaient dans la grotte sortirent, lui crièrent de ne pas tirer et, s'étant avancés, s'assurèrent des 2 autres Anglais en leur arrachant leurs armes. Quand ils furent ainsi désarmés, et lorsqu'ils se furent aperçus qu'ils s'étaient fait des ennemis de tous les Espagnols, comme ils s'en étaient fait de leurs propres compatriotes, ils commencèrent dès lors à se calmer et, baissant le ton, demandèrent qu'on leur rendît leurs armes. Mais les Espagnols, considérant l'inimitié qui régnait entre eux et les 2 autres Anglais, et pensant que ce qu'il y aurait de mieux à faire serait de les séparer les uns des autres, leur dirent qu'on ne leur ferait point de mal, et que s'ils voulaient vivre paisiblement, ils ne demandaient pas mieux que de les aider et d'avoir des rapports avec eux comme auparavant. Mais qu'on ne pouvait penser à leur rendre leurs armes lorsqu'ils étaient résolus à s'en servir contre leurs compatriotes, et les avaient même menacés de faire d'eux tous des esclaves. Les coquins n'étaient pas alors plus en état d'entendre raison que d'agir raisonnablement. Mais voyant qu'on leur refusait leurs armes, ils s'en allèrent en faisant des gestes extravagants, et comme fous de rage, menaçant, bien que sans armes à feu, de faire tout le mal en leur pouvoir. les Espagnols, méprisant leurs menaces, leur dirent de se bien garder de causer le moindre dommage à leurs plantations ou à leur bétail. Que s'ils s'avisaient de le faire, ils les tueraient à coups de fusil comme des bêtes féroces, partout où ils les trouveraient. Et que s'ils tombaient vivants entre leurs mains, ils pouvaient être sûrs d'être pendus. Il s'en fallut toutefois que cela les calma, et ils s'éloignèrent en jurant et sacrant comme les échappés de l'enfer. Aussitôt qu'ils furent partis, vinrent les deux autres, enflammés d'une colère et possédés d'une rage aussi grande, quoique d'une autre nature. Ce n'était pas sans motif, car, ayant été à leur plantation, ils l'avaient trouvée toute démolie et détruite. À peine eurent-ils articulé leurs griefs que les Espagnols leur dirent les leurs, et tous s'étonnèrent que trois hommes en bravassent ainsi 19 impunément. Les Espagnols les méprisaient, et, après les avoir ainsi désarmés, firent peu de cas de leurs menaces. Mais les deux Anglais résolurent de se venger, quoiqu'il pût leur en coûter pour les trouver. Ici, les Espagnols s'interposèrent également, et leur dirent que leurs adversaires étant déjà désarmés, ils ne pouvaient consentir à ce qu'ils les attaquassent avec des armes à feu et les tuassent peut-être. Mais, dit le grave Espagnol qui était leur gouverneur, nous ferons en sorte de vous faire rendre justice si vous voulez vous en rapporter à nous. Il n'est pas douteux que lorsque leur colère sera apaisée, ils reviendront vers nous, incapables qu'ils sont de subsister sans notre aide. Nous vous permettons alors de ne faire avec eux ni paix ni trêve qu'ils ne vous aient donné pleine satisfaction. À cette condition, nous espérons que vous nous promettez de votre côté de ne point user de violence à leur égard, si ce n'est dans le cas de légitime défense. Les deux Anglais cédèrent à cette invitation de mauvaise grâce, et avec beaucoup de répugnance. Mais les Espagnols protestèrent qu'en agissant ainsi, ils n'avaient d'autre but que d'empêcher l'effusion du sang, et de rétablir l'harmonie parmi eux. « Nous sommes bien peu nombreux ici, » dirent-ils. « Il y a place pour nous tous, et il serait dommage que nous ne fussions pas tous bons amis. » À la fin, les Anglais consentirent, et en attendant le résultat, demeurèrent quelques jours avec les Espagnols, leur propre habitation étant détruite. Au bout d'environ 3 jours, les trois exilés, fatigués, errés çà et là, et mourant presque de faim, car ils n'avaient guère vécu dans cet intervalle que d'œufs de tortue, retournèrent au bocage. Ayant trouvé mon Espagnol, qui, comme je l'ai dit, était le gouverneur, se promenant avec deux autres sur le rivage, ils l'abordèrent d'un air humble et soumis, et demandèrent en grâce d'être de nouveau admis dans la famille. Les Espagnols les accueillirent avec politesse, mais leur déclarèrent qu'ils avaient agi d'une manière si dénaturée envers les Anglais leurs compatriotes, et d'une façon si incivile envers eux, les Espagnols, qu'ils ne pouvaient rien conclure sans avoir préalablement consulté les deux Anglais et le reste de la troupe. Qu'ils allaient les trouver, leur en parler, et que dans une demi-heure ils leur feraient connaître le résultat de leur démarche. Il fallait que les trois coupables fussent réduits à une bien rude extrémité, puisque, obligés d'attendre la réponse pendant une demi-heure, ils demandèrent qu'on voulût bien, dans cet intervalle, leur faire donner du pain. Ce qui fut fait. On y ajouta même un gros morceau du chevreau et un perroquet bouilli, qu'ils mangèrent de bon appétit, car ils étaient mourants de faim. Après avoir tenu conseil une demi-heure, on les fit entrer, et il s'engagea à leur sujet un long débat. Leurs deux compatriotes les accusèrent d'avoir anéanti le fruit de leur travail et formé le dessein de les assassiner, toute chose qu'ils avaient avouée auparavant et que par conséquent ils ne pouvaient nier actuellement. Alors les Espagnols intervinrent comme modérateurs, et, de même qu'ils avaient obligé les deux Anglais à ne point faire de mal aux trois autres, pendant que ceux-ci étaient nus et désarmés. De même, maintenant, ils obligèrent ces derniers à aller rebâtir à leurs compatriotes deux huttes, l'une devant être de la même dimension et l'autre plus vaste que les premières, comme aussi à rétablir les clôtures qu'ils avaient arrachées, à planter des arbres à la place de ceux qu'ils avaient déracinés, à bêcher le sol pour y semer du blé là où ils avaient endommagé la culture. En un mot, à rétablir toutes choses en l'état où ils les avaient trouvées, autant du moins que cela se pouvait, car ce n'était pas complètement possible. On ne pouvait réparer le temps perdu dans la saison du blé, non plus que rendre les arbres et les haies ce qu'elles étaient. Ils se soumirent à toutes ces conditions. Et, comme pendant ce temps on leur fournit des provisions en abondance, ils devinrent très paisibles, et la bonne intelligence régna de nouveau dans la société. Seulement, on ne put jamais obtenir de ces trois hommes de travailler pour eux-mêmes, si ce n'est un peu par-ci, par-là, et selon leurs caprices. Toutefois, les Espagnols leur dirent franchement que pourvu qu'ils consentissent à vivre avec eux d'une manière sociable et amicale, et à prendre en général le bien de la plantation à cœur, on travaillerait pour eux, en sorte qu'ils pourraient se promener et être oisifs tout à leur aise. Ayant donc vécu en paix pendant un mois ou deux, les Espagnols leur rendirent leurs armes et leur donnèrent la permission de les porter dans leurs excursions, comme par le passé. Une semaine s'était à peine écoulée depuis qu'ils avaient repris possession de leurs armes et recommencé leur course, que ces hommes ingrats se montrèrent aussi insolents et aussi peu supportables qu'auparavant. Mais sur ces entrefaites, un incident survint qui mit en péril la vie de tout le monde et qui les força de déposer tout ressentiment particulier pour ne songer qu'à la conservation de leur vie.